Bonsoir Daniel. Re-bonsoir. Bonsoir. Cette deuxième conférence de la soirée, qui a pour titre Comment changer de vie. La première image qui me vient, c'est. Le suicide. Changer de char. Non, c'est une émission de télévision. Puis c'est la petite vie. C'est la vie des gens riches et célèbres. Chacun a son monde. Sa vision des choses. Hein? Tu veux changer de monde pour aller dans la petite vie? Moi, je veux changer pour aller là. Moi, les gens riches et célèbres, vu la petite vie. Ah ouais, ça va. Petite vie, la petite vie. Mais effectivement, le mot petite vie, on entend souvent dire ça. Je suis né pour un petit pain. Dans quel monde je suis un petit. C'est ça qui m'amène à une question, là. J'espère. mais... Que je veux changer de vie. Beaucoup de gens veulent changer de vie. Moi, je veux changer de vie. En réalité, il faut comprendre que... En tout cas, c'est pas évident pour moi que les gens veulent changer de vie. Effectivement. Bien, souvent, ils disent, en tout cas. Oh oui, mais ça fait partie de la mode. Mais c'est pas changer de vie, c'est changer de char, changer de maison, changer de vêtements, changer de femme. C'est une suite logique, là. C'est tout au même niveau, ça, là. Elle disait que j'allais devant ma mère. Oui, quand t'es adulte, parler, ça va. Ça m'accroche toujours un peu. C'est phénoménal, on revient pas. Mais, changer sa vie pour les gens, c'est ça. C'est pas changer de vie, philosophiquement parlant. Faut pas changer ma vie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire vouloir changer de vie. Ça devient une mode. Les gens qui évoluent veulent changer de vie. Les gens qui se conscientisent veulent changer de vie. Les gens qui souffrent veulent changer de vie. Les gens qui sont pauvres veulent changer de vie. Les gens qui sont malades veulent changer de vie. Les gens pauvres ne veulent pas changer de vie. Ils veulent être riches. Oui, c'est moi qui dis ça. Là. OK, ouais, c'est correct. c'est ça que je veux te dire. C'est que les gens ne veulent pas changer de vie. Le gars qui est pauvre veut devenir riche. Moi, c'est ce que je te dis. C'est pas évident. C'est ça. Les gens ne veulent pas changer de vie. Okay. Mais les gens veulent changer de vie. C'est parce qu'ils veulent ce que quelqu'un d'autre a, pensant que c'est ça qui va leur apporter le bonheur. Mais finalement, celui qui a ce qu'eux aspirent, ils l'ont pas. C'est tout intéressant. Ils veulent des fois pas ce que l'autre a, ils veulent plus que l'autre l'aille. Encore. Oui, ça dépend tout des principes. On veut la vie de l'autre. Oui, souvent on veut la vie de l'autre. Quand on n'a pas une bonne opinion, tu sais, on va aller avoir la vie de l'autre, mais... OK, mais bon, juste avant d'en venir à comment on peut changer, ouais. Ou si on veut, ou est-ce que ça change une vie? On a souvent parlé qu'on n'avait pas de libre-arbitre. Est-ce qu'on a une destinée? Est-ce qu'il y a une voie devant nous, puis on peut pas dévier de ça? Il y a une destinée sur une trame cosmique. Et ça me tente de philosopher, là. Ça, c'est trop. Parce qu'on va se perdre, là. Trame cosmique. Je sais pas, je vais te laisser aller. La philosophie dans le sens que la vie, c'est un bateau. Puis dépendamment de le cap que tu tiens, tu dis, moi, mon but dans la vie, c'est d'arriver là. Fait que t'en vas avec ton bateau, change pas. Mais t'as pas des vents aussi. Exactement. Il y a des vents qui te font changer de vie, t'as pas le choix. Fait que si les vents te font changer de bord, tu veux revenir. Donc, comment changer pour arriver là où tu veux arriver? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut, pour être capable de changer de vie, il faut être un égoïque. Il faut ne pas avoir d'ego. Si tu as, par exemple, un bateau qui est un grand 4 mâts avec des voiles carrées, et tu as donc, tu as déjà connu ça, bon, oui. 1300, 1200, 1400, 1500. Et, oui. Et là, tu t'en vas avec ton beau bateau, et il y a une expression qui dit par vent favorable. Donc, par vent défavorable, c'est bien simple, tu n'y vas pas. Tu n'y vas pas. Bon. À l'époque, parce que les voiles carrées prenaient très bien le vent arrière, un peu le vent de travers, là, mais pas fort. Le vent de côté, là, le vent de travers, c'était pas trop fort. Le vent encore arrière, ça peut aller. Et on se disait, bien, c'est simple, on doit faire le tour du monde dans le sens du vent. Hein? Tu avais donc une destinée, alors là, vraiment rigide. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on invente un autre type de voile qui, à l'époque, a été baptisé les voiles Marconi. Rien à voir avec Marconi. Marconi avait inventé la radio, puis il avait inventé une antenne, puis les morts ressemblaient aux antennes Marconi, fait qu'ils ont décidé que le gréement s'appelait Marconi. Bon. Ce gréement-là, la voile Marconi qui est triangulaire, elle permet de louvoyer. permet de remonter vers le vent. Ça veut dire que quand le vent souffle direct face au bateau, si tu prends un angle légèrement de travers, donc tu peux aller en direction du vent avec ton bateau, avec ton voilier. En le voyant de bord en bord, comme ça. Oui, sauf que tu vas contre le vent. Okay. OK? Celui qui est sur le pont, le vent, il est d'en face, légèrement de travers, mais le vent vient par en avant, puis le bateau va dans la direction du vent. Ça veut dire que quand tu comprends les mécaniques qui obligent ta destinée, donc plus tu deviens intelligent, quand tu comprends les mécaniques, tu vas être capable, au lieu d'avoir un gros ego puis te dire qu'avec ton gréement carré, tu vas y aller quand même en avant, ouais, essaie pas de prendre une voile carrée d'aller par en avant, ça va suivre par en arrière. Alors, quand tu es capable de finalement de te dire, à chaque problème, il y a 15, 20, 25, 30 solutions, regardons ailleurs. Il faut accepter de louvoyer. Exactement. Donc, de naviguer. Moi, j'appelle ça naviguer. Naviguer à travers les mécaniques de la vie. Tu vas finir par comprendre les lois qui régissent les mécaniques de la vie. Comme, par exemple, en ce qui concerne la voile, les gens se sont rendus compte à un moment donné que ce n'était pas le vent qui faisait avancer le bateau, c'était le vide. Alors, en ayant une voile Marconi, ce qui crée une espèce de ballon en avant, ça ressemble à une aile d'avion, et quand le vent qui vient du, par exemple, en avant du bateau tombe sur la voile, la partie qui fait le tour de la voile fait plus de distance que le vent qui passe en dessous de la voile, et donc accélère pour arriver en même temps au bout de la voile. En accélérant, ça crée un vide en avant de la voile, c'est ce qui va gonfler la voile, puis c'est le vide qui tire le bateau vers l'avant. C'est d'ailleurs le vide qui maintient l'avion dans l'air. L'avion, c'est ça. L'avion ne flotte pas, l'avion est tiré dans l'air. Alors, quand tu comprends les mécaniques, bien là, tu peux inventer. Cousteau, à un moment donné, a fait un bateau sans moteur, puis c'était une grosse tour qu'il y avait dessus qui ressemblait à une aile d'avion. Ça ne ressemblait pas, mais c'est le même principe. Alors, il y avait une coque avec un mât, un gros mât, puis ça avançait. Mais c'était bien banal, son affaire. Mais son mât était fait en style aile d'avion. Puis lui, c'est simple, du moment que le vent frappait dessus, ça créait nécessairement un vide en avant. Il plaçait son mot comme il voulait. Ça donc, tu peux changer de... Ça marchait de demander que le mot est partout. Hein, ouais, tu peux changer de cap, dépendamment comment toi, tu es alerte dans tout quand ça. Quand on dit qu'on n'a pas de libre arbitre, nous n'avons pas de libre arbitre, effectivement, jusqu'à temps que l'humain, par la conscientisation, devienne libre dans sa conscience. Libre dans sa conscience, ça veut dire... Bon, il y a une loi matérielle, puis faut vivre avec les lois matérielles. Au départ, il y a des lois vitales, des lois astrales, des lois mentales, etc. Des lois, il y en a en masse. Bon, il y en a assez, en tout cas, pour engager bien des avocats. Il y a une loi matérielle qui dit que tout espace, donc que toute matière impose son espace-temps au reste. C'est une loi. Ça veut dire que toi, tu m'imposes ton espace-temps, ça veut dire que je ne peux pas être assis dans la même chaise que Patrick en même temps que lui. Je peux être assis dans la même chaise dans deux temps différents ou être dans le même temps dans deux endroits différents. Donc là, nous sommes dans le même temps, mais dans deux chaises différentes. Ici, on veut être dans la même chaise tous les deux, dans la chaise, pas assis sur lui, pas assis sur moi, dans la chaise. Il faudra qu'on soit dans la même chaise dans deux temps différents. Tu es là à 5 heures, je suis là à 6 heures. Bon. Ça veut dire nécessairement, au départ, il y a manipulation. Le libre-arbitre, comme l'humain le rêve, n'existera jamais tant que l'être humain va rester assujetti à la mécanique du temps. Donc, au départ, il y a manipulation. Donc, au départ, il y a nécessairement déjà destiné. Ce n'est pas parce que la quantité d'humains, la quantité de mémoire astrale, la quantité de tout ce qui existe sur le contexte planétaire est énorme. Donc, finalement, incalculable du point de vue de la conséquence par l'humain, que ce n'est pas organisé. Ce que je veux dire par là, c'est que si on dit « j'ai deux billes, je les lance sur une table de billard », je peux mathématiquement prévoir ce qu'elles vont faire. Si j'ai 200 000 billes sur une table de billard qui mesure la superficie de la planète Terre, c'est imprévisible. C'est faux, c'est aussi prévisible. Mais les données sont beaucoup plus complexes. Avec l'être humain, c'est la même chose. Il y a beaucoup de données. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que si, quand l'intelligence, quand la conscience commence à cohabiter avec l'évolution, quand l'être humain commence à prendre conscience plutôt que juste apprendre, il a appris que c'était pas beau de faire ça, il a appris que c'était pas brillant de faire ceci, il apprend. Mais à un moment donné, il va au-delà de ce qu'il a appris, il invente, il innove, il amène du neuf. Hein? Il est précurseur. dans n'importe quel domaine, la personne prend conscience. Il y a des gens qui ont appris que fumer, c'était pas bon pour la santé, ils n'ont pas conscience que c'est mauvais pour la santé. La journée qu'elles prennent conscience que c'est mauvais pour la santé, là, il y a nécessairement une démarche de cesser de fumer qui va commencer. Alors que la personne qui n'a qu'appris, il faudra qu'il y ait des pressions sociales énormes pour qu'elle entreprenne une démarche, autrement dit, soit par attrait, par une mode, parce qu'elle est mal, parce qu'elle est mal jugée. Qu'elle se convainc de ça. C'est ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est que quand l'humain commence à se conscientiser, l'humain commence à être intelligent, l'humain commence donc à prendre conscience, nécessairement, il va commencer à être libre dans sa tête. Libre dans sa tête, ça veut dire qu'à un moment donné, il est assis, puis là, il se dit, « Tu vois, j'irais bien me prendre un coke. » En même temps, il se dit, « Je veux pas prendre de coke. » Tu sais, c'est même pas bon, du coke, la santé. Bon, il se rend compte qu'il y a des pensées. Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, et il y a lui et ou elle qui... Voyons donc, pourquoi je veux... C'est une affaire, même chose pour le sexe, à un moment donné, tout va bien, tout va bien, tout va bien, et coup, pouf, il faut. Exactement la même chose. Il faut être capable d'arrêter cette roue-là. Pour arrêter cette roue-là, on va y arriver. Ça c'est prend, là que tu commences à changer prend, de vie. Ça prend les outils, là. Oui, évidemment. Oui. Maintenant, ce qui est important de comprendre, donc, l'humain n'a pas de libre arbitre dans ce sens que tout l'humain programmé, on lui met des publicités, puis on sait déjà ce que ça va faire sur la majorité des personnes. Il y avait une publicité, à un moment donné, de McDonald's. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de restaurants. Ah, et oui. Puis, on voyait quelqu'un qui faisait de l'escalade et c'était écrit « Je aime ».« Je m'aime », le gros M de McDonald's. Parce que les psychologues se sont dit que ceux qui vont jusqu'à faire de l'escalade, ce sont des gens qui sont marginaux un petit peu et qui s'offrent le luxe de se donner ce qu'ils aiment. Donc, ce sont des gens qui s'aiment déjà plus que les personnes qui rêvent de faire, mais qui ne font jamais rien. Ces personnes-là partent, vont acheter de l'équipement, donc se payent le luxe de s'acheter de l'équipement, vont se promènent. Ça va être la même affaire pour celui qui joue au hockey, pour celui qui... Tu sais, bon, les gens qui finalement s'offrent, s'autorisent à se donner des choses, s'aiment. Et la publicité, finalement, c'est quelqu'un qui s'aime et c'est écrit « Je m'aime ». Donc, on s'attend à ce que ceux qui s'aiment, pour vouloir continuer à prétendre qu'ils s'aiment, aillent manger aussi chez McDonald's. Et probablement que ça a fonctionné, la publicité est restée longtemps. Bon. On peut programmer, on sait comment l'humain va agir parce qu'il y a des stéréotypes déjà à l'intérieur de lui. En s'ajustant à notre esthétique. Oui. Si, par exemple, on décide de vendre des planches à roulettes aux jeunes, on saura au Québec comme en France qu'une planche à roulettes, ça ne se vendra pas. Pourquoi? Parce que les jeunes, se recherchant une personnalité, étant donné qu'ils n'ont plus d'identité, essaient de trouver ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient souvent... provient des États-Unis. Donc, c'est un skate ou un skateboard que tu vas vendre. Okay, jamais de planche à roulette, tu ne vendras pas. Bon. Et là, si tu veux arriver à vendre ta planche à roulette aux jeunes, il va falloir que tu montes des jeunes qui donnent l'impression d'être quelqu'un. Mais au Québec, il faut que tu ne sois pas quelqu'un, il faut que tu sois quelqu'un. Bon. Alors, donner l'impression d'être quelqu'un. Et là, le jeune qui voit ça, il veut être lui-même comme ça. Ils sont 3 millions à vouloir être lui-même comme ça. Puis là, t'en vends des planches, des skateboards, personnalité. Des skates, et là, ça devient une mode. Puis là, nécessairement, le gars, il se dit, écoute, le gars qui est sur la planche, là, le petit bonhomme, la petite bonne femme fait de la planche, si je mets une casquette, ils la prendront pas. Si j'y mets croche, ils vont toutes l'acheter. Parce que ça donne toujours l'impression que tu te cherches une personnalité. Le jeune veut pas avoir la personnalité qu'on lui offre. Donc, un jeune il va prendre beau, celle qu'on lui offre. Un jeune qui est beau esthétiquement, là, puis qui veut faire la planche à roulettes, il faut qu'il se coupe de bien du monde. S'il ne s'habille pas comme tous les jeunes qui font de la planche à roulettes, il va être rejeté. Mais c'est ce qui va arriver fréquemment. S'il va en faire où il y a des places, il y a des endroits spécifiques pour faire de la planche à roulettes, bien, s'il n'est pas habillé comme tous les gens qui sont là, il est rejeté. Ça a été le patin à roulettes à un moment donné, ça a été, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que l'humain est suffisamment programmé pour qu'on puisse dire à une fille ou à un gars qu'on rencontre, « T'es bien laid! » Puis c'est prévisible, la réaction, c'est prévisible. Même chose que de dire à quelqu'un, aller dans le métro, puis aller voir un gars, puis dites-lui, « Oh, t'es beau, toi! » Vous allez voir, là, est prévisible, la réaction. Il y a deux types de réactions prévisibles, remarquez bien. C'est bien, donc, tu me trouves-tu beau? Non, ça se peut que lui te dise, « À toi aussi, t'es pas pire! » Ouais, ça peut arriver, ça. Deux types de réactions. Mais c'est prévisible. Ça veut dire que l'humain doit cesser, puis ça, ça fait partie de l'éducation de l'être humain, tu as un libre-arbitre de façon à ce qu'on puisse te démolir, te déculpabiliser quand tu vas faire des choses qui sont pas correctes, alors qu'en réalité, tu es manipulé à les faire. Il n'y a personne ici qui veut faire le mal, il n'y en a pas. Les gens disent toujours « Ah, avoir su! » Oui, justement, la vie va te le dire après pour pouvoir te culpabiliser, tu ne le diras jamais avant. Bon. Bon, mais si tu mentalises, tu vas dire « Ah, ben j'étais manipulé! » Et c'est vrai! C'est ça. Bon. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Sauf que les gens vont dire « Oh, c'est bien trop facile comme raison! » C'est vrai. Il faut qu'on vive difficilement sur la planète Terre. Oui, c'est ça. Méritoire, martyrisatoire, etc. Bon. Là, ce qui va arriver, c'est que si tu commences à être intelligent, ça commence à créer une liberté dans ta tête. Ça veut dire que tu es capable de plus en plus de dissocier, donc de discerner, entre ce que tu es et ce que tu n'es pas. Et c'est là que tu peux décider de changer de vie, pas avant. Exact. Pas avant, c'est impossible. Avant tu n'es même pas vivant. C'est ça. Okay. Bon. Tu es né pour un petit pain. Mais à un moment donné, quand ça vient en dedans, tabarnouche, je suis né pour un petit pain. Moi, je n'ai rien à foutre de pourquoi je suis né. C'est stupide, c'est ridicule que je sois pogné comme ça. Quand tu commences à te centrer, à renaître un petit peu, vous êtes tous intelligents et intelligentes, bien, à un moment donné, c'est du gâchis complet et total, le genre de vie qu'on vous fait mener. Bon, toi, tu vas dire, oui, mais moi, c'est quand même pas pire. Je te dis pas le contraire. Mais avec ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps physique, avec ce que tu es toi, même si tu es propriétaire d'un commerce, même si, etc., c'est un gaspillage complet d'intelligence ou d'être humain. Alors, à un moment donné, la personne prend conscience. Ce qui va arriver normalement, c'est frustration en face de la vie, frustration en face du système, frustration... Bon, parce qu'elle aura l'impression, et c'est encore des manipulations, que c'est le système qui l'a rendu de même. C'est toute l'astral, c'est la planète au complet qui rend de même. Des dieux en passant par tout ce que tu voudras, les maîtres, les gourous, etc., c'est toujours la même mécanique, c'est toujours ta faute. Bon, c'est pas même compliqué. T'as le libre-arbitre, t'as le pouvoir de changer les choses, puis si t'es pas capable de changer, c'est parce que... Voilà. C'est bien simple, tu choisis toi. Mais le destin, là, les gens s'accrochent à ça énormément. Fait que, aussitôt que tu parles de changer de vie, là, ceux qui le sont... Le destin, si les gens s'y accrochent sans y croire. Moi, si je dis à quelqu'un, t'as pas de libre-arbitre, il me croit pas, il dit, écoute, moi, j'ai un libre-arbitre, OK? C'est moi qui a décidé d'aller voir la cartomancienne pour savoir mon avenir. Écoute, si ton avenir est prévu, t'as pas grand libre-arbitre, là. T'sais, j'ai réveil. Hein? C'est sans ça que tu n'as pas voir la cartomancienne. Mais le fait de ne pas avoir de libre-arbitre, c'est un destin, ça? Oui. Mais la nuance, c'est que dans tout... L'humain est un être mémoriel, une créature du temps, une créature de mémoire. L'enfant est plus branché vers le futur parce qu'il a moins de mémoire. L'adulte, c'est pas long qu'il y ait une étape où il commence à aimer le présent, puis après ça, c'est le bon vieux temps. Là, il est branché sur le passé. À part, je parle d'adulte. Il y a des personnes de 20 ans, 35 ans, 50 ans, 75 ans qui sont branchées vers le futur, mais ça, c'est des jeunes, c'est pas des adultes, OK? Mais c'est ce qui arrive normalement. L'intelligence, c'est quelque chose qui n'est absolument pas prévu ni prévisible par la mémoire. Quand un enfant dans une classe à l'école exprime de la spontanéité, donc de l'intelligence, ça vient mettre le bordel dans le système d'éducation. Quand un enfant fait ça à la maison, ça va être la même chose souvent, sauf si l'éducateur, le parent ou le professionnel, est aussi intelligent. L'intelligence n'est pas prévue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta destinée, dans ton vent, tu es avec ton voilier, tu as tes voiles, bien l'intelligence est l'équivalent d'un gros moteur. Mais le moteur que tu mets après le voilier va te permettre de te foutre du vent. Tu ne pourras pas plus aller naviguer sur la terre. Tu es encore sur un bateau. Alors, quand on parle de changer sa vie, à un moment donné, oui, on peut effectivement, quand on commence à être suffisamment conscient, on va voir les problématiques qui sont là pour nous empêcher de changer de vie, c'est-à-dire de faire en sorte que votre vie ne soit plus une insulte à votre intelligence. C'est simple, c'est juste ça. Bon. Même les personnes, oh, mais moi, c'est quand même pas pire. C'est pas que c'est pas pire. C'est tout ce que vous pourriez faire de plus et de mieux que vous ne pouvez pas faire. Un, pas d'argent, deux, pas de temps, trois, pas de contact. C'est ridicule. Pas comme ça. Avec l'intelligence qui habite les corps des individus, on devrait être capable de régler le problème planétaire en 30 secondes, après ça, améliorer l'affaire à une vitesse exponentielle. Ce qu'on ne fait pas, parce que les gens restent confinés dans des vies qui datent. On change un peu la couleur des affaires, mais ça date. Mais ça, c'est des milliers d'années. C'est chez un même individu, tu demanderais à tout le monde ici dans la salle, tout le monde veut changer, mais en même temps, ça, je ne voudrais pas toucher à ça, ça. Donc, il y a quelque chose qui veut changer, puis quelque chose qui ne veut pas changer. Regarde, la grosse question fondamentale, ça va être, on prend le bonheur. Bon, voulez-vous être heureux? Moi, je sais pertinemment que l'être humain, que l'animal humain, les mémoires humaines, ça ne veut pas être heureux. Ça veut être stable. Stable veut dire sécurisé. Et sécurisé veut dire dans la mémoire. Je veux avoir des habitudes que je répète. Nourri dans ce qu'il connaît, c'est ça. Uniquement. Donc, tu as ta femme et veux-tu changer de femme? Non. Mais n'importe quand, si on te nourrit suffisamment avec une autre femme, égoïquement, tu changeras de femme. Intelligemment, non. Et si t'es un enfant, non. Bon. D'ailleurs, tu n'auras même pas de femme si t'es un enfant. Tu auras une amie. Changer de mère. Hein? Tu peux changer de mère. Non, encore moins. Quoi. Non, là, ça, c'est pas un enfant, ça. Ça, c'est un être inexpérimenté. L'être inexpérimenté de 8 ans a besoin d'une mère, d'un père, des tuteurs, etc. C'est bon. Mais c'est pas, l'enfant n'a pas besoin de parents. L'être inexpérimenté a besoin de personnes pour lui indiquer. Parce qu'on a complexifié pas mal les choses depuis Adam et Ève, tu comprends? Oui. Juste traverser une rue, là, il n'y a pas Adam et Ève ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers toute la structure de la mécanique qui va empêcher l'humain de changer de vie, tu poses des questions, on revient au bonheur, tu poses des questions, veux-tu être heureux, veux-tu être heureuse? Les personnes vont dire, ben oui! Bon, la question qui suit immédiatement, c'est qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être heureux? Ah là, c'est plus évident, là. Ah là, c'est vraiment plus évident. Mais l'être qui est conscient va pouvoir changer de vie lorsqu'il va être capable de comprendre, oui, je veux ceci, alors que suis-je prêt à abandonner pour ça? Veux-tu être en santé? Oui, parfait. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être en santé? Mais là, tout ce qui me rend malade. Ah, OK. C'est ça, là, je suis prêt à abandonner le sucre? Ouais, une minute, quand même, tu sais, des bonnes choses, la vie. T'es pas prêt, d'abord, tu veux pas être en santé. Oui, je veux être en santé. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être en santé? Bon, mais faut pas exagérer, c'est ça. Veux-tu abandonner ton stress? Veux-tu abandonner, le bonheur? Faut que tu sois capable de voir ce pourquoi tu changes. Puis quand tu vois, c'est évident que tu changes. C'est évident que tu veux, mais c'est pas évident que tu sais. Que ça va se faire, c'est ça. Ouais, mais il faut le voir. Si tu me dis, veux-tu avoir tel état d'esprit, veux-tu avoir telle condition de vie au niveau de mon être-té? Oui, mais moi, je te pose des questions. Vous devriez vous introspecter à deux ou tout seul. Moi, je te pose une question. Veux-tu être heureux? Oui. Bon. Es-tu prêt à abandonner ce qui te rend malheureux? Oui, mais c'est parce que je... Toi, déjà réflexion mentalisation. Je ne sais pas c'est quoi le bonheur. Non, je m'en fous. Es-tu prêt à abandonner ce qui te rend malheureux? Ben oui, c'est pourquoi évident. Tu vas dire non? C'est pas évident. Pourquoi il hésite? C'est qu'il ne sait pas qu'est-ce qui le rend malheureux. Autrement dit, c'est qu'il se dit, oui, mais un instant. D'un coup, quelque chose que je tiens absolument, ça fait partie de ce qui me rend malheureux. Je peux pas me répondre oui. Donc, tu ne vas pas être heureux. Oui, parce que ce que j'ai présentement... qui me donne du bonheur partiel. Ça te sécurise. Ce qui abîme ma cigarette que je prends, là, c'est du bonheur partiel pour moi, ça. Mais tu me dis, veux-tu être heureux? Oui, mais qui c'est qui me dit que ça va être meilleur? Veux-tu être heureux? Oui. Répondez juste, puis quand vous allez le faire, là, vous écoutez la cassette, là, je pose des questions. Là, enfin, tu réponds pas, c'est toi qui réponds. Tu sais, veux-tu être heureux, veux-tu être heureuse? La personne qui répond, oui. Mais c'est pas évident. Et puis là, moi, je te dis, juste tous les problèmes que tu amènes. Oui, mais un instant, d'un coup, il n'y a rien qui me prouve que je m'en fous, je ne peux pas de preuves, là. Je te parle seulement si tu veux l'être. Oui. Bon. Et tu peux abandonner ce qui te rend malheureux? Oui. Hein? Il y aurait une question, Daniel. C'est pas lui, ça. C'est l'être humain. Parce que moi, si je vous dis, par exemple, madame, voulez-vous être heureuse? Oui, parfait. Aimez-vous votre mari? T'as une femme, toi, là. OK? On va dire. Okay. Aimes-tu ta femme? Parle pas moi, personnellement. Oui. Bon. OK? Il l'aime. Veux-tu qu'elle soit heureuse? Oui. Parce que c'est bien dur de répondre. Moi, j'ai pas de femme. Non, je sais, mais tu comprends le principe. Bon, si t'avais une femme, veux-tu qu'elle soit heureuse? Ah oui. Bon, madame, voulez-vous que votre mari ou votre ami soit heureux? Monsieur, voulez-vous que votre ami ou votre femme soit heureuse? Oui. Bon. Ta femme, pour être heureuse, il faut qu'elle sorte avec un autre de temps en temps. Oups. C'est mon bonheur là, qui est brimé. Là. C'est... Non! Mais au départ, elle n'est que ta femme, tu t'en fous royalement. Elle veut que je sois heureux aussi. Si elle... Un instant. Ça veut dire que l'objet... Ça veut dire, mesdames et messieurs, que l'objet que vous appelez mon mari, mon ami, ma femme, mon ami, l'objet, vous vous en foutez alors là royalement. Parce qu'en réalité, donc, au départ, tu dois admettre que humainement parlant, tu veux pas que l'autre soit heureux. Non, je veux pas qu'elle me rende malheureux. C'est pas non, tu veux pas qu'elle soit heureuse. Ouais, mais si tu me dis qu'elle va voir un autre homme. Ouais, moi, son bonheur. C'est pas là. Parce que je veux son malheur, c'est parce que je veux pas qu'elle me rende malheureux. Ça, là, c'est de la belle mentalisation. Et moi, je te parle, toi, t'es presque à mort, t'es presque à plus de voix, t'es presque à soit malheureuse pour que toi, tu sois heureux. Donc, tu te fous carrément d'elle. Ouais, je comprends ton point de vue. Oui, mais tu veux pas, hein? La majorité veulent pas. OK? Et ça, c'est pas toi, là. Je parle de l'humain. OK? Qu'êtes-vous prêt à abandonner? On parle de changer sa vie, mais vous êtes prêt à abandonner quoi pour vivre mieux? Pour être en santé, par exemple. Mais qu'êtes-vous prêt à abandonner pour être en santé? S'il y a des choses qu'on mange, puis moi, je sais que ça me tue. Je mange pareil. Mais tout le monde va dire, non, moi, c'est évident que je suis prêt pour. Et là, évidemment, le gros mentalisateur va dire, ouais, mais tu sais, le gras. Mais si c'est pas prouvé, tu sais, que le gras, ça crée de l'artériosclérose. C'est pas prouvé que le bas, ça crée du gras. Tu sais, c'est pas prouvé que le gras, c'est gras. Tu sais, j'ai l'instant. C'est. Même si c'est pas prouvé, tu prends une maudite chance. Tu sais, on mentalise. Mais la personne, qu'est-ce que vous êtes prêt? On peut changer sa vie. Ça veut dire, à un moment donné, écoute, t'es maudite grosse voile carrée, fous-moi ça aux poubelles, puis change ton gréement. Tu divorces. Tu peux dire divorce, oui. Force. C'est ça. Puis à un moment donné, tu mets d'autres choses. Moins de voile, moins de cordage, moins de ci, moins de ça. Ça va mieux, tu peux lui voir, remonter le vent. Bon, sauf que la personne doit être prête à abandonner. Sais-tu comment on fait pour prendre un gros, gros bloc de marbre puis sculpter un éléphant dedans? C'est simple. Enlève ce qui n'est pas l'éléphant. T'as tout ce qui ne ressemble pas à l'éléphant. C'est... Ah, c'est facile. Bon. Je comprends. Mais non, mais c'est évident! Bon, c'est bon, c'est bon. Bon. La vie, c'est la même chose. Tu regardes le bonheur, tout ce qui ne ressemble pas au bonheur. Il faut que tu sois prêt à abandonner. Mm-hmm. L'être humain, ce qu'il a fait, c'est qu'il ne sachant pas, parce qu'au départ, sachez que vous n'aviez pas de conscience. Bon, moi non plus. Et à un moment donné, vu qu'on n'a pas de conscience, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse. Hein? On se dit, à un moment donné, un jour, je vais avoir faim. Mais qu'est-ce que c'est que de la nourriture? Je le sais pas. Fait que je ramasse un champignon, une feuille, une pierre, j'ai une racine, un morceau de verre, je ramasse, tu sais. Bon. Mais à un moment donné, quand je commence à avoir faim, un petit peu, ou encore je me dis, écoute, là, maintenant, là, tu as ramassé de la nourriture, plus un paquet d'affaires qu'il n'y en ait pas, bien là, tu as tout ton sac à dos qui est extrêmement plein, puis tu te rends compte que tout trimballer ça fait que tu consommes plus de nourriture, puis de temps en temps, tu te casses les dents, etc. Alors moi, je vais te dire, pour alléger ton fardeau, pour cesser d'haïr la nourriture, haïr la vie, bien, il faudra que tu abandonnes un paquet de choses. Il faut que tu filtres. Là, tu vas me dire, oui, mais moi, je ne sais pas comment reconnaître la nourriture. Maintenant que vous avez l'expérience, la conscience, vous êtes capable de savoir qu'est-ce que la nourriture. Mais en dedans, la mémoire te fait dire, oui, mais qu'est-ce qui dit que, minimum, essaye. Le bonheur, vous y avez déjà goûté. Le malheur, vous y goûtez régulièrement. Puis quelque part, l'humain finit par se dire que le bonheur existe uniquement par différence de potentiel avec le malheur. Si je ne goûte pas le malheur de temps en temps, je ne pourrai pas reconnaître quand je suis heureux. Belle philosophie. Oui, mais tu as mentionné quelque chose tantôt, c'est que ce que l'humain recherche... l'animal humain, c'est qu'il recherche la stabilité. Donc, la sécurité. C'est ça. Donc, un malheur moyen, n'importe quel malheur, n'importe quelle situation de vie. Un jour, il y a un gars qui demande à un vieux, il est sur son lit, là, puis il est tout vieux, tout rabougri, il a 95 ans. Il demande, Kim, pourquoi ça fait combien d'années que t'es tout de même, le gars? Ça fait 20 ans. Pourquoi tu t'accroches tant à la vie? Puis le vieux répond, c'est l'habitude. Mais c'est ça pareil. Alors, t'es malade, pourquoi tu guéris pas? T'es habitué. T'es pauvre, pourquoi tu t'en sors pas? T'es habitué. Uniquement ça. C'est l'habitude. Mais ça n'a pas d'habitude. L'habitude, c'est la stabilité. Alors, même si t'es toute mal pris, toute pognée, si là, du jour au lendemain, pouf, on vous fout vieux, tout croche, ah, ça donne l'envoi d'énergie pour vous changer de là. Mais si c'est graduellement, lentement, bing, bing, bing, bing, bing, tu fais l'habitude, Est-ce que c'est l'habitude ou c'est la peur de voir ce que l'autre côté? Moi, je suis pauvre. L'habitude, c'est la stabilité. Parce que et moi, la stabilité, c'est la sécurité. Si je suis pauvre et j'ai un petit revenu, ben là, habituellement, quand tu es pauvre, on a un petit revenu. Il y en a qui ne l'ont pas partout. Et puis là, tu me dis, là, t'as une chance d'être riche, là, mais il faut que tu investisses tant d'argent. Puis c'est le seul argent que j'ai, là. Oui, mais c'est pas la peur qui te fait mal. Mais c'est parce que je sais pas si ça va marcher. J'ai non, mon temps à être sûr. Non, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Ce que, non, tu vois, parce que l'humain, mentalement, tu vas me trouver une raison pour camoufler ton inertie. OK? En réalité, ce que qui te démange, qui te fait peur, c'est l'obligation de recommencer à vivre et d'être en mouvement. Expérience face à la vie? Non. À 18 ans? Non. À 22 ans? Non. Vous cherchez un emploi, vous en trouvez un. À 23 ans, vous en avez ras-le-bol, vous le sacrez là. À 52 ans, ou à 45 ans, ou à 38 ans, ou à 34 ans, votre emploi vous plaît plus, allez-vous le sacrer là? Non. Pourtant, tu as plus d'expérience que le jeune, donc tu as plus de facilité à manipuler la vie que le jeune, mais le jeune va foncer mauditement plus que celui qui a de l'expérience. L'habitude. Ben oui, il sait que la vie est devant lui. Non. Oui. Lui, il pense que la vie est en avant, il peut mourir demain matin d'un accident d'auto. Ouais. Alors que, comme tout à l'heure je te disais, les jeunes regardent vers le futur, il vient un moment donné où tu regardes le présent, après ça, tu regardes le passé. Tu es mort. OK? Tu es encore en vie, on t'enterrait plus tard. Okay. Tu es mort, mais on t'enterrait plus tard. Bon. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que comment ça se fait que celui qui n'a pas d'expérience, qui est vraiment le moins outillé pour faire face à la vie, celui qui fonce le plus dans la vie, puis que celui qui a le plus d'outils, finalement, pour faire face à la vie, celui qui reste le plus rigide? Stabilité. OK. L'habitude, c'est la stabilité. Oui. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'on parle de changement. Qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être heureux? Et là, on va dire, il faudrait que je lâche mon chum. Peut-être pas vrai. Il faudrait peut-être que tu débarques dessus son dos. Ça, c'est la même chose avec les enfants. Mais là, on va débarquer un instant. Moi, là, si il pense que lui, là, qu'il va faire à sa tête, c'est le malheur d'abord que tu recherches. Donc, il faut sortir de là. Moi, je vais à la simplicité. Quand ça arrive, ça, on vit à deux, disons. Pas disons, on vit à deux. Bon, il y en a un qui... Disons-le, quoi. Bon, tu viens à deux. Bon, okay, tu viens la nourriture est pleine. Je voulais qu'on le sache. Tu viens à deux. Merci. Alors, moi, je vais continuer? Continue. Je vais revenir. Il vient à deux. Bon, c'est pas pire. OK. Changer de changer sa vie, ça ne veut donc pas dire laisser son emploi, laisser son mari, sa femme. Ça veut rien dire de ça. Mais ça veut dire ça aussi. Ça peut vouloir dire ça. Changer sa vie, ça veut uniquement dire reprendre. Sa vie en main? Ouais, enfin, réembarquer dans la vie, en tout cas. OK? Et être capable uniquement de voir les principes fondamentaux qui nous intéressent. Mais ça, on a peur que l'autre réagisse. Si Mais non, des raisons qu'on va se donner. C'est évident que l'autre c'est va réagir. Non, c'est des raisons qu'on va se donner parce qu'on ne le fait pas. Oui, mais bon. Oui. Mais c'est évident que l'autre va réagir. Voyons donc, mesdames et messieurs, et ben non, les jeunes. Il n'y a pas un parent qui veut que son enfant soit heureux. Le jeune qui s'arrive à un moment donné, Hey, faites l'école missionnaire aujourd'hui. Non, pas missionnaire, il n'y a plus de mission. Faites l'école d'asphalte aujourd'hui. Bon, je suis heureux. Un instant. Pas correct, cela. Bon, combien les femmes veulent pas que leur mari soit heureux? Le mari veut pas que la femme soit heureux. On se dit ça parce que quelque part, il faut bien qu'on ait bonne conscience. Mais moi, je parle de la vraie vie, là. Pas de la petite, de la vraie vie. La belle vie. Mais fondamentalement, il y a de la bonté dans l'être humain. C'est ce qui tend à vouloir venir. Puis là, on se colore tout à travers la réalité, ce qu'on nous oblige à vivre, puis ce qu'on, quelque part, on veut faire naître. Puis là, on mélange les deux. Et pour changer sa vie, il faut cesser de mélanger. Il faut découvrir, effectivement, quand tu es jaloux, ça veut dire que l'objet que tu possèdes, bien, il n'est pas question que quelqu'un d'autre vienne y toucher. Oui, mais si c'est son bonheur, à cet objet-là, d'être libre, bien, il n'y en a pas question. C'est simple. Bon, il faut être capable d'admettre, OK? Pas d'admettre que nous sommes comme ça, d'admettre que c'est ce que nous vivons. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être heureux? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être en santé? La nourriture. Vérifiez ce que vous êtes prêt à abandonner pour changer de vie. Je suis malade, je suis stressé. T'es stressé? Pourquoi t'es stressé? Ah, parce que... Je dis souvent aux parents, à un moment donné, comment ça va avec tes enfants? Ah, ça va mal. L'école passe son temps à appeler. Là, il faut que j'explique, passe aux parents un petit peu. Toi, ça va bien avec ton enfant. Puis l'école, puis elle ont des problèmes, l'école, puis lui ont des problèmes. Mais toi, ça va bien avec l'enfant, mélange pas tout. Alors moi, ça va mal avec mon fils, il coule ses mathématiques. Ouais, mais non, ça va mal avec mon fils, il me crache au visage quand j'y parle. Là, je comprends. Ouais. Mais ça va mal avec mon fils, il y a eu une crevaison hier. C'est la même affaire qu'il coule ses mathématiques. Exactement. Lui a de la misère avec ses mathématiques, ça, c'est une autre affaire. Comment toi, ça va avec ton enfant? Dans les relations avec tout le monde. Tu devrais dire, bien moi, ça va bien avec mon enfant. Ouais, mais là, c'est lui-même mélange tout. C'est ça, mais si mon fils coule ses mathématiques, c'est parce que moi, je suis orgueilleux de ses notes. Donc, veux-tu être heureux? Oui. Veux-tu qu'il soit heureux? Oui. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner maintenant pour que vous le soyez? Faut que tu sois prêt à abandonner de passer pour un bon parent pour les inconnus, puis d'être un torieux pour ton fils que tu connais. Faut que tu sois prêt à abandonner des choses. C'est quoi un bon père? Ça n'existe pas. C'est un être humain. Quand un directeur d'école me dit, là, moi, je veux être un directeur plus humain, puis moi, j'y explique, hey, tu devrais être un être humain qui dirige une école. C'est plus facile. Mais là, c'est plus dur que je pensais, là, changer sa vie. Là, arrêter de fumer, ça va, c'est difficile, mais c'est passable. Mais changer de concept, changer d'idée, changer ça. Pense à l'éléphant dans le gros bloc de marbre. Comment faire un éléphant avec ça? Autre, élimine tout ce qui ne ressemble pas à l'éléphant. Donc, élimine tout ce qui te rend malheureux. Tout ce qui ne ressemble pas à ce que tu veux vivre. Tout ce qui ne veut pas avec toi. Moi, je suis heureux quand ma femme m'écoute. Non, il n'y a pas de conscience. Oui, mais moi, je te demande, t'es heureux, oui. Mais veux-tu être heureux? Oui. Donc, 85% du temps, elle ne t'écoute pas. Oui, mais elle va finir. Tout le temps que tu perds dans un concept, puis quand elle va t'écouter, tu ne seras pas plus heureux de toute manière. Ça ne t'écoutera jamais. Mais là, c'est parce que là, il faut se centrer aussi sur ce qu'on est vraiment, pas vouloir diriger la vie de tout le monde. Non, mais pas. Fini par voir, simplement. Je veux être heureux à la condition que ma femme ou mon mari m'obéissent. Mais si tu veux être heureux, là, la meilleure chose à faire, c'est de couper avec ce genre de vision-là. Parce que ton bonheur dépend uniquement de l'esclavagisation des autres. Ton bonheur dépend de la bourse. Ton bonheur dépend des notes de ton enfant. Ton bonheur dépend du chien s'il rentre ou s'il rentre pas. Ou ben non, s'il fait ou s'il fait pas dehors. Ton bonheur dépend de où tu marches. Ton bonheur dépend de ton automobile. Ton bonheur dépend... Veux-tu être heureux? Mais c'est un problème d'identité encore. Si moi, je m'identifie aux notes de mon fils, OK, ouais. Je m'identifie à mon chien qui va dehors. OK. C'est bien, voyons donc. C'est d'identité encore. On revient encore à la même chose que la première conférence. Prends le parent là, qui vient d'avoir un bébé et qui le montre. Yeah, c'est mon petit, c'est mon petit, c'est mon petit. Moi, quand j'avais 8 ans, mon premier trophée, j'ai gagné, ça je faisais. Yeah, c'est mon trophée, c'est mon trophée, c'est mon trophée. C'est identique. Bon, à un moment donné, l'humain doit se poser simple pour changer. Puis quand on parle de changer de vie, c'est toujours... Et ça améliore les choses énormément. Mais au départ, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner? À quoi ça ressemble un être humain heureux? « Ah, c'est quelqu'un qui a plein d'argent, c'est quelqu'un qui a du monde qui écoute, c'est quelqu'un qui a une laveuse automatique, c'est quelqu'un... » C'est pas ça, du monde heureux. Je peux présenter plein de monde qui a tout ça, c'est pas du monde heureux. OK? C'est pas ça, du monde heureux. Alors, qu'est-ce que c'est une personne heureuse? Ça t'empêche pas d'avoir une laveuse automatique, ça t'empêche pas d'avoir plein d'argent. Ça n'a rien à voir avec ça. De toute façon, une personne qui est heureuse, qui a de l'intelligence, va nécessairement avoir plein d'argent et avoir plein de temps. Parce que ça fait partie de l'intelligence pour lui permettre de créer. Et elle va apprendre à monnayer son intelligence de façon à continuer à conserver sa liberté. C'est bon. Quelqu'un qui est pauvre et n'exprime pas l'intelligence? Quelqu'un c'est qui est pauvre, loin, c'est quelqu'un non? qui ne l'a pas exprimé ou c'est quelqu'un qui est en phase de transition. C'est officiel. Un pauvre qui est intelligent, mais à un moment donné, il s'organise pour bouger. Sauf là, que les structures sociales ne te permettront pas. C'est pas parce que tu es intelligent que tu deviens riche du jour au lendemain. Mais quand tu commences à être intelligent, à être conscient, c'est évident que tu as commencé à trouver des stratégies à un moment donné pour faire de l'argent. Tu peux rester pauvre, mais tu es en démarche de faire de l'argent. OK? Ça veut dire que tu vas acheter minimum des billets de loterie. Hein? Ça ne veut pas dire que tu es un acheteur intelligent, là. Ça veut dire que tu vas peut-être tu vas investir des places, tu vas essayer, tu vas t'instruire, tu vas. Mais quelque part, il va falloir que tu changes ta situation de vie. C'est évident que la conscientisation humaine impliquera nécessairement, à un moment donné, une remise en question de tous ses paramètres de vie, donc l'amènera à penser à changer sa vie. Mais comme je dis encore une fois, changer sa vie ne veut pas dire que tu coupes là, tu coupes là, tu coupes là. Ça n'empêche pas. Mais tu vas couper uniquement une fois que tu auras décidé « Qu'est-ce que me faut-il pour? » Moi. Et il me faut quoi pour être heureux? Il me faut quoi pour exprimer mon intelligence? Il me faut quoi pour être en santé? C'est ça la vie qu'on veut changer. Bon, après ça, tu as tes enfants. Qu'est-ce qu'il me faut pour que je sois heureux? Ben, mais quand ton fils, là, qu'est-ce qui te rend le plus heureux? Qu'il soit heureux ou qu'il ait des bonnes notes à l'école? Ouais, qu'il soit heureux. La majorité des parents répondraient, ben les deux. Tu sais, on veut toujours avoir, on veut voir l'éléphant dans le gros bloc de marbre. Puis on se dit, je peux pas besoin de sculpter, moi, là, je le vois, l'éléphant. Je le vois, l'éléphant. Regarde la trompe, tu vois pas la queue. Tu sais, t'as même pas d'imagination. En tout cas, tu sais, moi, je vois aussi un crabe, je vois mammouth, je vois, tu sais, je vois bien des affaires dans ton bloc de marbre. Pleine défense. Ah, pleine défense tout le temps, c'est ça. Est bonne. c'est parce que les gens sont polis, Thierry, quand moi, j'étais. OK. Alors, ce qui sort. Si je te dis, pour que tu sois plus heureux si tu aimes ton enfant, puis aimer, dans le langage humain, veut dire posséder et contrôler. Mais dans mon langage à moi, on tombe jamais en amour, on monte en amour. Si tu montes en amour, c'est pas de la philosophie. Si tu montes en amour, tu aimes. Si tu aimes, c'est inconditionnel. Moi, ceux que j'aime font ce qu'ils veulent. S'ils se font ramasser, si c'est stupide, ça mérite. Et le moindre moment que c'est intelligent, même si ça me rapporte à moi, même si ça ne me rapporte rien, le moindre moment que c'est dans leur énergie, ça me plaît, ça va. Bon, tu déménages à l'autre bout du monde, mais tu t'es pas fait ramasser. Je te dis pas que je m'ennuierai pas de toi de temps en temps. Mais une chose certaine, je vais tout faire pour que tu puisses partir correctement. Mais si tu pars parce que tu t'es fait ramasser, là, moi, être sur ton dos en maudit pour que tu partes pas. Mais c'est pas une. C'est évident. Bon, tant qu'à être ami, tu m'envoies sur le dos. T'sais, un ami, ça sert à quelque chose. Mais si c'est vraiment ta vie, si ça te va, comme ami, moi je vais t'aider à t'en aller. Bon, on peut monter en amour. Si tu aimes ton enfant réellement, c'est pas les notes, c'est son sourire que tu vas apprécier. Je veux qu'il soit heureux. S'il est heureux, il va de toute façon réussir à s'en sortir, et exact. C'est vrai. Avec ou sans note, ça passe. C'est évident. Mais ça, on n'y croit pas. Mm-hmm. Pourquoi qu'on n'y croit pas? Parce que nous, on est tombés dans le piège de ne pas y croire, parce que nos parents n'y croyaient pas. Et à un moment donné, ben, on aimerait ça que lui passe par le même chemin que nous autres. Il n'y a rien de plus fendant. D'ailleurs, j'ai rencontré un bonhomme qui est très, très correct. C'était un ancien ministre au cabinet libéral là, au Québec. Lui, ce qu'il me disait à un moment donné, c'était qu'il y a deux enfants, il y en a un, c'est un teflon. Puis les teflons, c'est, alors, ils les aiment pas. Son fils, par exemple, à un moment donné, bon, il a lâché l'école, il faisait tout à sa façon, il étudiait jamais. Puis lui, il avait étudié beaucoup. Puis ça l'enrageait de le voir qu'il étudiait pas. À un moment donné, il décide de devenir avocat, il retourne à l'école, il suit des cours, il étudie toujours pas. Mais dans ses mots à lui, mais là, le petit tabarnak, en plus, il réussit, tu sais. Ce qui l'enrageait, c'était pas qu'il, c'était qu'il réussisse sans passer par son cheminement. Là, aujourd'hui, je demande, mais là, aujourd'hui, ce qu'il pratique, non, même pas, là, il a son diplôme, puis là, il est sur les plages à Acapulco, il a décidé de faire le tour du monde, tu sais. Bon, ça, ça l'enrage noir. Puis là, je dis, oui, mais il va se trouver un emploi n'importe quand. Je sais, Calice! Puis le gars, il est brillant, bon, puis il est même très connu, bon, mais ce qui l'enrage le plus, c'est ce qui va arriver souvent. Moi, si je lui demande, veux-tu être heureux? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour être heureux? Ben, abandonne donc ta vision des choses, ta vision de l'enfance, ta vision de la vie, puis le méritoire. Tu devrais être doublement heureux de te rendre compte que ton fils, il n'a pas besoin de passer par toute la merde pour parvenir au succès. Il est heureux. Il voyage, il s'en va, il s'inscrit, il réussit. Oui, sauf que quand il voit réussir comme ça, ça y fait voir que tout ce que lui a fait, finalement, il a embarqué dans une vision qui était presque Donc, inutile. Son fils ne doit pas être heureux. Donc, son fils devrait souffrir pour que le bonhomme... Ils sont pas heureux si le fils souffre. Il va être moins malheureux. Au moins, il a essayé de la bonne façon. Il va avoir raison. S'il veut être heureux... Il devrait donc déterminer qu'est-ce qu'il est prêt à abandonner. Pas son fils. Vision de ceci, la vision de cela, etc. Être en santé, c'est la même chose. Tu sais, c'est pas de manger, tu abandonnes des affaires. Pour changer sa vie, on doit être capable de répondre fondamentalement puis honnêtement avec soi-même. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour, qu'est-ce que tu es prêt à ôter pour avoir un éléphant? Bon, pour te retrouver toi-même. Puis je vous dis que, posez-vous la question clairement, vous allez voir que c'est pas évident que vous voulez améliorer votre sort. Tu veux, vous voulez quelque part en dedans. Et vous allez voir des forces qui sont phénoménalement puissantes pour empêcher l'humain de bouger. Hein? Bon, on peut en parler longtemps de toutes ces forces-là au complet, on en parle des fois en conférence, bon, c'est très long. C'est plus un sujet de séminaire, parce que, on brosse un peu plus. Parce qu'il faut en prendre conscience. Mais juste le fait de se poser la question, bon, moi, je veux être heureuse, là, je veux être heureux, je suis prêt à abandonner quoi? Puis l'humain, ce qui va arriver, tout le temps, tu vas te dire, bien, m'abandonner ma femme, je vais sortir avec un autre, parce que moi, je l'abandonne, tu ne seras pas plus heureux. C'est pas ça que tu veux. Imagine ta femme qui, après avoir sorti avec son autre chum, rentre chez toi, tout barbouillé d'enthousiasme, gros sourire, toute vivante, parce que l'autre l'a pépé au maximum. Si tu veux être heureux, ben tu y en fournis deux autres chums de même. Ben oui, quand tu rentres dans la maison, hey, es-tu, ça met de la vie. Veux-tu être heureux? Voilà comment être heureux. C'est un gros bloc, ça, là. Mais toi, en réalité, tu veux pas être heureux. S'il faut qu'elle soit soumise. Non, tu as un instant, oui, mais c'est pas correct. Pourquoi c'est pas correct? Je sais que c'est pas correct, c'est illégal que vous soyez heureux. Donc, c'est pas correct. Enfin, on veut être heureux à nos conditions. Tu veux pas être heureux? Ça marche pas. Si tu veux être heureux, tu relaxes. Cesse de grimper sur le dos de tout le monde, cesse de vouloir dominer, de vouloir régir la vie de tout le monde. Veux-tu être heureux? C'est simple. Bon, on achète chacun des billets de loterie. Écoute, c'est moi qui gagne! Puis l'autre là-bas est en beau maudit, l'autre là-bas, c'est pas trop. Mais voyons donc. Profite donc de quelqu'un qui est heureux dans la gang, là. Tu sais? Veux-tu être heureux? C'est facile. Bon, c'est facile à dire. Bon. Mais fondamentalement, vous devez observer les forces qui font en sorte que l'humain a de la difficulté. Puis pour arriver à changer de vie, c'est ce qu'il faut faire. Juste poser la question, que sommes-nous prêts? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner? Puis on fait le travail convenablement. Puis, quand je parle d'abandonner, vous allez voir que ça se résume finalement à... Vous devez être prêt à abandonner le fait de dominer tout ce qui vous entoure. Dominer l'enfant, dominer le parent, dominer le conjoint, dominer la conjointe, dominer l'employé, dominer le patron, dominer le chien. Mais présentement, les relations humaines, c'est toujours une question de domination. Question de pouvoir. C'est uniquement... C'est rien que ça? Une question de domination. Alors, si on veut changer de vie, ça veut dire qu'on prend conscience... Pour changer d'amis. Oui, exact. Prenant conscience, ça veut dire nécessairement qu'on doit... Vous savez, il faut faire des arrêts à un moment donné. Puis l'humain qui fait ça spirituellement, philosophiquement, a bien la difficulté. Pourquoi? Parce que c'est jamais... Il mélange deux mondes. Il y a une vision d'un monde où ça va. Et entre ça, il y a un vide, puis il y a le monde dans lequel il est placé. Il va goûter philosophiquement, émotivement, intuitivement dans l'autre monde, et il essaie d'appliquer ça ici. Évidemment, c'est trop tout croche. C'est sûr que l'humain qui se dit, oui, mais si ma femme ou si mon mari se contentait d'être heureux ou heureuse avec moi, c'est tellement plus facile. Mais changer de vie, il faut changer le monde, là. Comment non. Changer de vie? Si toi, tu changes tes relations humaines, il y a de quoi, Doc? Le problème, c'est que tu as appris toute ta jeunesse que, en résumé, tu ne dois pas changer si ça dérange les autres. OK, oui. Ben, c'est vrai. Pas, alors pas que tout ce que tu autres. Fais dans ta vie dérange tout le monde. C'est ça. Oui, j'ai dérangé du monde. Mais t'en as dérangé du monde en maudit. Oui, pas mal. J'en dérange encore. Je sais, t'en dérange encore. Bon. Non, mais c'est vrai pareil. Tant que vous changez pas, vous pouvez déranger tout le monde. Le gars qui se drogue, là, qui fume, qui se pique, il dérange plein de monde. La journée qu'il décide de ne plus le faire, il dérange tous ses chums. C'est ça. Lui, il se dit, ouais, mais là, c'est un peu, faut faire attention à mes chums. Non, quand ça va vers le mal, pas de problème, jamais on se pose la question. Jamais on se pose la question quand on s'en va vers le mal pour se demander si on dérange. Mais le moindrement que tu veux commencer à te replacer, ça dérange. Là, un instant, quand tu commences à te replacer, tu redeviens une bonne personne. Puis la faiblesse de la bonne personne, c'est que c'est une bonne personne. Mm-hmm. C'est vrai. Bon, alors là, immédiatement, oui, mais là, si moi je décide de cesser de fumer, puis mon mari fume, ma femme fume, l'autre, il va se pointer, il va avoir l'impression qu'il faut que j'aille fumer. Ah, il va fumer caché. Bon. J'ai vécu c'est ça. C'est évident que le moindrement que tu vas commencer à te prendre en main, à être conscient, puis à vouloir changer de vie, bien, c'est évident que ça va avoir une incidence sur l'extérieur. Puis les autres ne changent pas par rapport à. Ouais, si. Ça les regarde. Ça les regarde eux autres. Mais à un moment donné, ça ne peut plus vivre ensemble. Là, dans ta relation avec quelqu'un, si toi, tu changes, l'autre... Une chose est certaine, c'est que plus vous allez être heureux ou heureuse, plus vous allez rendre malheureux les voisins. Plus vous allez être riche, plus vous allez rendre jaloux les voisins. C'est la même affaire. Plus vous allez être en santé... imaginez, vous avez 55 ans, et vous êtes encore capable de courir un quart de mille, faire un paquet d'affaires, puis vous restez dans une maison de vieux. J'ai eu une expérience la semaine dernière en jouant au tennis avec deux personnes, 72, 74 ans. On jouait en double, puis ça bat, c'est 6-0. C'est intéressant. Tu t'es fait battre? Oui, 6-0 deux fois. T'étais-tu un maudit? C'est une vraie volée. Non, c'était correct. C'est ça, parce que toi t'es brillant, mais normalement les gens ça marche pas de même. C'était beau voir. C'est évident. Ils bougeaient pas, ils parlaient ensemble, tu sais. Moi, je courais sur le terrain. Au moins, pas payé par le pot. Puis j'appliquais tout mon talent, quoi. Puis l'autre côté, j'osais ensemble. Puis, un matin, il m'envoyait son. Je pensais qu'il était chanceux les premières parties, mais. Comment t'as dit de la façon? Bon, c'était des bons hommes. T'as fini en concluant, je suis très bon gars, moi j'ai toujours lancé la balle. Non, non. Quand on s'est donné la main, il m'a dit continue, t'améliores ton service. Merci beaucoup. Mais on apprend beaucoup, c'est là. Les gens seraient révoltés normalement, mais. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à quel point vous êtes capable de vous abreuver au bonheur d'un autre pour en bénéficier, au succès d'un autre pour en bénéficier, à la santé d'un autre pour en bénéficier. Quelqu'un qui est en santé et qui vous dit « Écoute, mange pas ça, c'est pas bon. Ben, » ça vous insulte là. Il faudrait pas. Absolument pas. Il a raison. Ben oui. Bon. Vas-tu profiter, bénéficier des autres? On le fait pas. Puis quand je parle changer de vie, ça veut nécessairement dire qu'à un moment donné, tout le contexte va changer. Celui qui se drogue, s'il veut changer de vie, s'il essaie de se droguer, il va nécessairement devoir changer de vie. Puis il va dire, non, on va essayer de toutes les désintoxiquer. Tu t'es sauvé. C'est ça. Mais ça revient au même. Moi, j'ai pris le terme désintoxiquer. Mais la personne qui s'en va dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, etc., il va essayer de convertir les autres. Donc, de les sauver. C'est le même bateau. C'est la même affaire. Bon, mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Ça sert à quoi? Bon. L'alcoolique qui veut garder, conserver ses amis alcooliques en se désintoxiquant, il va rester alcoolique. C'est bien simple. il doit se désintoxiquer. Il y a des gens qui vont lui offrir un petit verre. Oui, là, là, là, qui se prend un petit verre, là, oh, Dieu, des niaiseries! Il n'y a pas un qui veut qu'il s'en sorte. C'est très frustrant. Bon, une fois que tu t'en es sorti, bien, peut-être qu'il y en a un qui va finir par y aller. C'est évident que tu vas perdre des amis. Puis là, ce qu'on va dire, on va donner un thème dangereux, ce qu'il dit, tu sais, cause des ménages. Ben c'est ce que les gens comprennent qu'il est dangereux, là. C'est pas dangereux, moi, je dis simplement, soyez donc heureux. Puis si c'est ça, être dangereux, écoutez bien. Mais la matière que tu livres aujourd'hui, ça peut être dangereux dans l'application. Bon, tout est dangereux, ça dépend des oreilles. C'est ça. Dis, moi, qui est dangereux, c'est pas ce que tu dis, c'est ça. Bon, mais ce qui est important, donc, de continuer à dire, puis de comprendre, c'est qu'on ne peut pas penser améliorer quoi que ce soit de sa vie sans nécessairement créer des perturbations. Les perturbations vont être de mineures à majeures. Ça dépend avec qui vous êtes, ça dépend qui vous entoure. Mais l'idée, c'est que c'est de pas... Souvent, l'humain, ce qu'il pense, c'est que pour changer, il doit changer son entourage. Le parent commence à faire du yoga. C'est-tu nécessaire que toute ta famille en fasse? C'est ce qui va arriver souvent. Oui, oh, c'est parce que je les aime que je les domine. T'sais, c'est ça qu'il devrait dire. Bon. Mais non. Tu fais du yoga, c'est du yoga. Ben oui, mais t'es tout seul dans la maison. C'est bien plus encourageant quand les autres. C'est ça, des objets. Les autres deviennent des objets. Mais c'est toujours présentement, c'est une cause de chicane, ça. Un des deux fait quelque chose d'intelligent pour lui. Oui, parce que l'autre va s'occupe pas de l'autre, mais l'autre, il va être jaloux, là, parce qu'il est heureux quand il fait ces affaires-là. Il va aller à sa réunion de yoga ou il va venir à une conférence de Daniel Kemp. Puis l'autre, il vient de Daniel Kemp, puis il retourne chez toi là, avec des idées ou un petit sourire ou n'importe quoi. C'est ça, puis hein. Il veut pas l'autre plante. Ah, c'est ça. L'autre personne va haïr le conférence, elle va pas haïr, puis ça arrive souvent, c'est fréquent. Dans ces cas-là, dans les cas précis, là. C'est pas une généralité, bien entendu. J'ai dit quelque chose de pas correct? On s'en reparlera. Écoute la cassette. On peut essayer de faire ce bout-là. Tu lâcheras la cassette. Je connais deux personnes seulement, Daniel. Comme ça. Pas trop pire, mais depuis que ta femme a bien, ça va? Bon. Longtemps, j'ai pas vu. OK. Donc, comme je vous y répète, c'est extrêmement, extrêmement facile de comprendre la mécanique du changement de vie. La problématique, c'est d'être suffisamment honnête pour être capable d'admettre la réalité. Savez-vous ce que c'est aimer? Bon. Pour les gens, c'est vraiment pas évident. Il y a même du monde, moi, qui me dit souvent que moi, je communique pas assez d'amour. Tu sais, du léchage puis de l'amour et... Il nuance. Là, je t'aime à en mourir, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, tu sais, il y a plein de gens. Quoi. À un moment donné, moi, j'ai vu une personne, elle commence sa conférence en disant « Je vous aime tous. » Tu connais même pas. C'est verveine. C'est verveine, ça. Hein? Ou encore, « Ah oui, le gars qui a tué, là, oui, là, mais je l'aime quand même. » Comme tu veux. Puis là, ça, c'est de l'amour, ça, là. Bon, moi, j'arrive en Europe, là, il y a un petit bonhomme de... Il vient d'avoir 7 ans. C'est un teflon pur et total. Il vient d'avoir 7 ans. Ça fait 2 ans qu'il disait tout le monde qu'il a 8 ans, parce que tout le monde l'obstine qu'il n'a pas 6 ans et qu'il n'a pas 5 ans. Fait qu'il disait qu'il avait 8 ans, tu sais, pour avoir la paix. La première chose qu'il fait en arrivant dans la maison, il prend l'espace vital. Puis il y a souvent des invités, des conférenciers, conférencières qui viennent dans la maison, une grande maison, ils couchent là aussi. Alors lui, il le grimpe sur le dos immédiatement. Tu sais, c'est son plaisir fou. Les parents sont corrects. Alors moi, j'arrive là. Et puis la première chose qu'il fait, il y a 7 ans maintenant, puis il y a encore une suce. Bon. Là, il veut me mettre dans la bouche. Il est ouais, beau. Ça, c'est, il a frappé. Moi, je suis debout. C'est drôle. Parce que je parle avec le père, la mère est dans la cuisine, côté. Il arrive en avant, puis là, il est haut de même. Fait que là, il saute me mettre dans la bouche. Puis là, il saute. Moi, j'avais déjà parlé, bon, on parlait un peu des enfants avec les parents. Puis là, il saute. Je le ramasse par les deux bras, je l'ai serré assez qu'il est venu blanc. Le Daniel Kemp, il se posait mes enfants, franchement, c'est comme premier contact, c'est pas pire. Là, j'ai lâché, il était tout figé bien raide. Puis là, il a su, en tout cas, je l'ai regardé, c'est le télépathe, mais s'il était pas, il est devenu. Puis après ça, là, il s'est en allé, il est disparu. Là, les parents étaient un petit peu, spécialistes de l'enfance, tu sais. Le pédagogue par excellence. Ah, le pédagogue par excellence. Puis là, moi, je leur ai continué à leur parler de comment il fallait faire pour se faire aimer les enfants. Dans un temps, pour se ravisse. 30 secondes après, le petit jeune, il revient dans la cuisine, puis là, il me tire par le bras, puis il me dit « Veux-tu venir voir mon jeu d'échecs? » Ça, c'est évident, ça, c'est évident. Lui, il vient voir, il m'a aimé tout de suite, parce que je suis respectable. Mais là, il veut être sûr qu'il n'a pas tout cassé. Viens vérifier. Puis là, vraiment, je suis vu que j'aime le jeune, c'est évident, il est brillant, il est tellement brillant qu'il manipule au maximum, il a de l'intelligence à canaliser. Puis, bon. Alors, je vais voir son jeu d'échecs. Puis là, il a court-circuité le roi de adversaire avec toutes les pièces, là. Il me demande, si, penses-tu qu'il est échec et mat? Puis, écoute, il croyait qu'échec et mat, il les a intégrés. Il a tout, le nous, là. Il savait bien, mais sauf que c'est une raison qu'il s'est donnée. Après ça, c'était très, très, très, très agréable. Et les parents m'ont dit, un, le chat m'a accepté, leur gars m'a accepté. C'est la première fois qu'ils ont jamais vu ça. Fait? Mais oui, mais c'est ça de l'amour. Je m'aime plus que je l'aime. Hein? Ce qui me permet d'être suffisamment centré pour après ça être capable de m'arranger pour qu'il s'aime lui aussi et qu'il m'aime aussi. Il faut commencer par s'aimer. Comment changer de vie, c'est s'aimer. Là, qu'est-ce que l'amour? Principe, toutes les personnes qui sont passées là, puis il y a des conférences que vous connaissez, je ne nommerai pas les noms, qui font des conférences au Québec aussi, en spiritualité, etc., puis d'autres en psychologie. Qui ont été là aussi en Europe, bon, puis ces personnes-là organisent des conférences. Et eux autres, ça va toujours être, ben non, veux-tu arrêter? Puis ils vont expliquer, puis ils essaient de l'aimer, puis l'autre, ils niaisent au maximum. Tandis que moi, ben, on s'est aimé tout de suite. Bon, il a fallu que je le recentre, le jeune, avant, tu sais, parce que le jeune, il n'est pas là. Il dit, donc, tu t'es à un moment donné, tu brosses ça là, il est centré. Avant ça, ça fonctionne. Quand on parle d'aimer, il y a un proverbe intéressant qui est très joli qui dit « Ce que tu aimes, laisse-le libre. S'il te revient, il t'appartient. S'il ne te revient pas, il ne t'a jamais appartenu. » C'est beau. Et de toute façon, il n'y a jamais rien qui t'a appartenu. « Ce que tu aimes, laisse-le libre. S'il te revient, laisse-le libre. Puis s'il ne te revient pas, ben laisse-le libre. » Laisse-le libre, ça. Là, on parle d'amour. Il n'y a rien qui nous appartient. Ça appartient. Ça sert à quoi que ça nous appartient? C'est comme l'Indien qui regarde le blanc, qui dit « ça c'est ma montagne ». L'Indien dit « c'est pas pire, il fait 35 000 ans qu'il est là ». Mais t'as toi! Un méchant bail. Tu sais, à un moment donné, tu relaxes un petit peu. On change de vie, on regarde l'éléphant. On a tout ce qui n'est pas l'éléphant. On garantit qu'on va avoir un éléphant. Le bonheur, la santé, etc. On change de vie comme ça. On peut le faire. On est gros. Vous êtes intelligent, il faut juste que ça serve. Ça fonctionne. À la prochaine. Merci Daniel, merci tout le monde. Bonsoir.